Salut, ici Denis Talbot. Frank the Tank. Ian Richards. De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer. Shut up and take my money! Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un possiblement autre niveau. Daniel avec vous cette semaine encore une fois. Ça fait quand même deux semaines de suite que j'anime. J'avoue que je commence à me sentir pas mal hot. Le pouvoir te monte à la tête. Oh oui, et vous aurez reconnu la voix de Luc. Luc qui fait un retour après une semaine d'absence. Salut Luc. Salut Daniel. C'était la semaine passée. Où c'est que j'étais la semaine passée? J'étais à Québec la semaine passée. On est parti à Québec au début de l'après-midi pour j'allais au Salon de l'Auto de Québec, là, voir toutes sortes de choses. Si je vais essayer de mettre l'émission en ligne aujourd'hui, là, si tout va bien, pour que les gens l'entendent et puissent peut-être aller finir leur journée au Salon de Québec. Parce qu'il y a une zone de cinéma. On peut voir un véhicule de Star Wars, là, le Landspeeder de Luke Skywalker, la van de Scooby-Doo pis sa gang, là, puis la van des Teenage Mutant Ninja Turtles. Là. Mais bon, il va peut-être être tard un peu, mais si vous ne l'avez pas vu cette année, ben allez-y l'année prochaine. Parce que c'est intéressant, la petite zone de cinéma. All right. J'étais là pour d'autres choses aussi, là, mais j'étais là pour ça. C'est bon. Puis, on a Jonathan qui est avec nous encore cette semaine. Salut, Jonathan. Bonjour. Encore, on est déjà tanné, c'est bon ça? Non, c'est parce que. c'est comme une gomme autour d'un running shoe. Tu sais, voyons, on décolle pas. Quand tu penses que tu t'en es débarrassé, tu dis ah, là, elle est encore là. Ah, ben, ouais, finalement, c'est pas si désagréable que ça. C'est comme un petit coussin quand je pèse avec mon talon. C'est ça, je suis comme un gros coussin. Ben non, mais en fait, j'allais dire soit tu y prends goût, soit t'es mazo. Mais bon, c'est comme tu veux. Non, j'aime ça. Un n'empêche pas l'autre. Exactement. En effet. Donc, ça va être nous le trio. Là, je prendrai pas l'expression de JB, là, je dirais pas la Triforce, je trouve ça un peu. Tu peux toujours rester Wonder Woman, puis moi je peux toujours rester Batman, puis Jonathan peut prendre le rôle de Superman. De toute façon, Superman change de rôle quasiment à tous les films, Master. Ouais, mais là, d'acteur. Avec la barbe avec laquelle je suis rendu, je suis mieux de pas me prendre trop pour Wonder Woman. Je suis pas très féminine. Rose-toi. Non, ça me tente pas. Non, elle est là pour rester. Cette semaine, on a quand même un show intéressant. Personnellement, je vais vraiment aller dans la techno cette semaine. C'est pas mon domaine de prédilection, mais bon, je vais me lancer là-dedans. Luc, tu vas nous parler d'un autre film? Ouais, je vais vous parler de Peanuts, le film. Donc, le film de Snoopy. Ouais, tu vas nous parler d'Arachide. Puis, Jonathan, tu vas parler d'un jeu auquel... Ben, en fait, j'allais dire les deux, on a joué, mais bon, c'est deux jeux, puis on a joué chacun à un. Ouais, c'est ça. Moi, je vais parler d'une des portions du jeu Fire Emblem. Ouais, c'est ça. Fait que Jonathan a joué à une des moitiés, puis moi, j'ai joué à l'autre. Donc, on vous en reparlera tantôt. Ah, c'est cute hein, qu'ensemble, vous avez comme la moitié du cœur chacun. Vous mettez ça ensemble, ça fait un tout. Ah, écoute. C'est cute, les gars. J'ai une émotion. Jonathan, t'aimes ça, les gars barbus? Là, je suis plus sûr. Là. OK. Ça donne des rougeurs, je t'avertis. Ça pourrait piquer un peu. Mais bon. Winfell, je catégoriserai pas ça, là, Winfell. Là. J'ai trois petits trucs à vous parler avant de commencer les chroniques. Premièrement, hier avait lieu le UFC, je me rappelle plus c'est lequel, deux secondes. Le UFC 196. On allait dire 422, mais ça aurait été ça pareil. écoute, on n'est pas loin de ça, là, mais... Non, le UFC 196, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que prochainement, il va y avoir EA Sports UFC 2 qui va être lancé. Et EA Sports a pris deux athlètes de l'UFC pour faire la couverture du jeu, à savoir Ronda Rousey et Conor McGregor. On sait que Ronda Rousey a perdu il y a quelques mois sa ceinture au profit de Holly Holm, qui a aussi perdu pour sa première défense de titre lors de l'UFC 196. Mais là, hier aussi... Conor McGregor a perdu. Fait que ça fait en sorte que EA Sports voulait deux champions sur sa pochette et là, se retrouve avec plus de champions. Non, mais quand même. Je dis, c'était facile dans le temps, tu faisais des jeux de lutte, hein, tu sais, où Hulk Hogan était toujours le champion, puis comme c'était arrangé avec le gars des vues, excusez ceux qui croient à la lutte, mais tu sais, c'était facile de savoir qui ce qu'elle allait être champion dans 6 mois, 1 an, ou tu sais, mais quand tu es dans un vrai sport de combat, ben ça peut changer tout le temps. C'est comme un boxeur, c'est comme n'importe quoi, tu sais. C'est sûr que quand il a choisi Ronda Rousey puis Conor McGregor, on s'attendait à ce que ça demeure les champions parce que il était vraiment reconnu. Dominant. Et dominant, solide. Ronda Rousey, ça a été toute une surprise que Holly Holm puisse la défaire. Puis même hier, Conor McGregor, tout le monde l'a dit, là, Nate Diaz a vraiment surpris en le battant. C'est toute une surprise, mais là, bon, ça a commencé à s'amuser à faire les lag sales en disant il n'y a plus un athlète qui va vouloir faire la couverture des jeux de EA parce qu'il y a une malédiction autour des pochettes de EA Sports. Mais c'est pour ça que j'ai entendu dire, moi en tout cas, c'est une source, je ne sais pas si elle est très très fiable, mais que ce serait Scott Gomez qui serait sur le prochain NHL. Ouais, ça se pourrait. Non, c'est pas. Fait que NHL 2... Piquer Subban étendu sur la glace, à pleine face. Ben, en tout cas, NHL 2017 sera le jeu le moins vendu de la franchise. C'est ce que ça va donner. Ah, boy. Ou peut-être John Scott aussi pourrait faire la... Mais quoi que ça vendrait, hein, parce qu'il y a quand même un capital de sympathie. Avec son chandail des Ice Caps. Ouais. Pas payé. Ah, boy. Fait que voilà. Deuxième chose, il y a une guerre, en ce qu'on pourrait dire, ouverte entre Epic Games et Microsoft. C'est assez surprenant parce que Epic Games était un allié de Microsoft. C'est un studio que fait beaucoup de choses avec Microsoft. Sauf que là, Tim Sweeney, qui est un des cofondateurs, a vraiment lancé toute une flèche envers Microsoft en disant, écoutez, vous êtes en train, avec ce que vous faites dans l'ombre, de créer un monopole sur la plateforme Windows 10 au niveau du développement, notamment des jeux. En fait, Microsoft veut développer une plateforme qui s'appelle Universal Windows Platform, le UWP, en bon français. Et ce que Epic dit, c'est que, évidemment, les consommateurs le savent pas, mais la façon dont c'est développé, la façon dont Microsoft le présente, ils sont vraiment en train de créer un monopole, vraiment une espèce de plateforme propriétaire où les développeurs ont plus autant de liberté qu'avant. Et c'est ce que le cofondateur de Epic Games dénonce. C'est drôle, ça me fait un peu penser à Apple, mais en tout cas. Ouais, mais il y a toujours Steam qui va fonctionner. Puis ça fait la même, si tu veux développer autre chose, va-t'en sur Steam au lieu de t'en aller directement sur Windows ou je sais pas là. Pas lu, j'ai aucune information là, je dis ça totalement en non connaissance de cause, mais bon. J'ai l'impression que Epic c'est une déception, tu sais, par rapport à l'attitude que Microsoft avait dans le passé. J'ai l'impression que c'est plus une déception que Sweeney a voulu manifester, mais bon, tu sais, j'ai pas beaucoup plus de détails que ça moi non plus. Mais c'est assez surprenant venant de Epic Games de lancer une flèche comme ça à Microsoft. Epic, c'est pas eux autres qui sont en arrêt de Gears of War? Ouais. Gears of War et d'autres séries, mais principalement Gears of War, ouais. Ouais, effectivement. Okay. Je reviens très très brièvement sur le Nintendo Direct de cette semaine parce que beaucoup de gens se disaient mais qu'est-ce que Nintendo va présenter, parce que on nous disait on va vous dévoiler les dates de sortie des prochains jeux. Ça change la question de ben qu'est-ce que Nintendo fait. Ouais, c'est ça. En fait, on nous a présenté certains jeux, beaucoup qui n'avaient pas été annoncés. Personnellement, il y a des projets intéressants que j'ai vu, notamment le prochain Paper Mario qui va s'appeler Color Smash. Donc, prévu pour la Wii U plus tard cette année. J'aime bien le concept, quoique on a l'impression de se retrouver devant un mélange de Paper Mario puis Splatoon, là. On utilise vraiment les couleurs puis tout, mais j'aime bien ce que j'ai vu. Sauf que il y a un projet Nintendo sur la 3DS qui fait vraiment pas l'unanimité depuis qu'il a été dévoilé, puis c'est Metroid Prime Federation Force. Ça, disons que ce qu'on a présenté est pas nécessairement convaincant. Les gens se sentent vraiment lésés par ça en disant, tu sais, tant qu'à développer Metroid Prime, pourquoi tu développes pas un autre jeu de la franchise au lieu d'une espèce de spin-off multijoueur plus action, en tout cas. Puis Nintendo est allé jusqu'à présenter une image même de Samus dans un espèce de rendu de ce que ça aurait pu être. Là, les gens ont juste capoté là, en disant ben Christy, vous auriez dû juste développer un Metroid avec Samus comme on le veut finalement. On est hot là-dessus, capoté, hein, les geeks et les fans finis. On a juste à pas les acheter. Ouais, ben effectivement. Puis juste montrer à Nintendo que ça nous intéressait pas, vous l'avez développé pareil, ben c'est ça. Enterrez-les avec à côté des copies d'E.T. Ouais, c'est ça. Non, mais gars, je veux dire, on capote souvent pour rien. Gars, le tollé avec le trailer de Ghostbusters, le film est même pas sorti, il présente 2 minutes de film, puis le monde capote. Ah, ça va être pourri, hein? Pourquoi des filles, puis ça. Attendez donc que le film sorte. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, effectivement, OP, achetez pas, mais ouais. En même temps, tu sais, je veux dire, Metroid ou même Ghostbusters. Ouais, Ghostbusters, j'ai des doutes, là, mais ça pourrait être bon, là, finalement, tu sais, les gens se fient à des images, des vidéos et tout. Tu sais, j'ai remarqué sur Twitter, tu sais, je fais le parallèle avec Ghostbusters, mais j'ai dit, non, en effet, c'est pas, tu sais, ça semble pas être un grand film, mais c'est juste un trailer. Ben oui, ben on avait dit ça aussi de Fantastic Four, tu sais, ah, ça, c'est juste un trailer, ça, finalement, c'était ça aussi, là, c'était comme plate, mais bon... Je veux dire, moi, je donne la chance au coureur. Je vais-tu le voir? Oui. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ghostbusters, tu sais. Puis qu'on n'a pas eu un Ghostbusters depuis combien d'années. Mais le monde semble se rappeler que Ghostbusters 2, c'était pas super bon. Ben, c'était correct. Oui, oui, c'est correct, exactement. Ben, le nouveau Ghostbusters peut être correct. Correct. Tu sais, c'est parce que tout le monde capote sa franchise Ghostbusters, mais pour de vrai, Ghostbusters, il y en a un bon. Qui est le premier. Ouais. Deuxième, t'es très moyen. Il n'y a rien eu d'autre après. Il y a eu des dessins animés, des affaires comme ça, puis des jeux vidéo, mais il n'y a pas rien eu d'autre après. Puis là, ben, regarde, ils nous donnent un nouveau Ghostbusters. Puis, comme je disais un peu, un moment donné, je pense que c'est sur Facebook, j'ai dit dans le feed de quelqu'un, j'ai dit, regarde, c'est parce qu'ils veulent développer d'autres films de Ghostbusters. Là. Ils veulent avoir, supposément qu'ils vont en avoir un avec Channing Tatum, puis... Puis une couple d'autres acteurs connus, s'ils veulent faire d'autres films, faudrait peut-être pas qu'ils se plantent en partant sur celui-là, parce qu'on s'entend que ça va peut-être miner un petit peu le succès des autres, tu sais. Mm. Fait que ça peut pas être totalement pourri, ça peut pas être nécessairement ce qu'on veut, mais ça peut pas être totalement pourri. Je pense que l'histoire va être bonne, les effets spéciaux ont l'air, tu sais, que ça accroche. Ouais. Fait que moi, j'attends, puis on verra bien. Je veux dire, les filles qui sont dans le film, qui vont faire les nouveaux Ghostbusters, la majorité d'elles ont du succès dans d'autres films, sont comiques, donc moi, j'attends. Je vais-tu payer 60$ pour aller voir ça au cinéma avec ma famille? Probablement pas, mais tu sais, mais qui sortent en DVD, je vais le voir, ou je vais peut-être même aller le voir au cinéma, qui sait? Ouais, en tout cas, dans le trailer, il y a beaucoup de vomi de fantômes. Oui. Oui. Les fantômes, ça a peut-être beaucoup mal au cœur, on sait pas. Et effectivement, tu sais, quand t'es un ectoplasme, t'as mal au cœur. Mais là, ça a l'air d'être ça. Donc, tu sais, c'est blanc, mais l'après-vie pour tous les êtres humains, c'est vomir tout le temps du verre. Ça a l'air à ça, en effet. Tu sais, le paradis, là, puis tout le kit, ça existe pas. C'est vomir du verre. Vomir du verre. Ouais. Oui, sur cette belle note, juste vous dire que le Nintendo Direct, finalement, là, on l'a pas ouais, parlant de vomi, non. Oh. Non, mais ça, on était dedans. Non, je Ah, oh, Luc, frère. Je l'ai pas suivi, j'ai aucune idée. Ça, non, mais tu sais, il y a des projets quand même intéressants. Ça a l'air que Star Fox, notamment, qui s'en vient au mois d'avril sur Wii U, a été vraiment, vraiment amélioré là, par rapport à ce que c'était. Donc, j'ai hâte de mettre la main dessus. Puis pour le reste, c'est ça. Tu sais, il y a des projets quand même intéressants là, qui s'en viennent. D'autres questionnant un peu. Là. Je sais que j'ai vu une espèce de shooter à troisième personne de Namco. En tout cas, modèle free-to-play sur Wii U, ça l'air assez bizarre, mais pour le reste, non, c'est ça. Tu sais, je pense que l'annonce de Paper Mario fait quand même du bien, mais rien sur Zelda, fait que... Non, c'était ma question. Non, rien sur Zelda, donc moi, ça fait juste de plus en plus me confirmer qu'on devrait assister à un lancement, oui, sur Wii U, mais probablement sur la NX. La prochaine console. Ouais. Yes. Ça sonne comme ça, ça sonne comme on se garde un gros titre pour le lancement de notre prochaine console. Ouais. Parce qu'on veut pas répéter l'erreur de sortir une console pas de jeu. Ouais, ça va refaire penser à la Wii qui avait Twilight Princess. D'ailleurs, c'est disponible en HD. Je vous en reparlerai dans un futur show, probablement avec Jonathan. Pas d'amiibo. Je vous dirai pourquoi. Mais Jonathan, d'ailleurs, parlant de toi, on va commencer par toi. Tu as pu jouer à une des deux moitiés de Fire Emblem Fates. Oui, exact. La première moitié, j'espère, parce que tu t'embarques dans la deuxième moitié. Ça se suit-tu? C'est parallèle. OK. Ouais, c'est ça. Donc, toi, tu as joué à Conquest. Moi, j'ai joué à Earthrise. Donc, je te laisse y aller. Okay. Je sais que tu as pas mal apprécié avoir le nombre d'heures que tu as mis dedans. Oui, ben, j'ai pas mal apprécié. Je l'ai terminé d'ailleurs. Là, j'ai fini Conquest. J'ai commencé le deuxième qui est Birthright. Dans le fond, le concept de Fire Emblem Fates qu'ils ont voulu faire, premièrement, c'est des jeux sur 3DS. Puis le concept qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu sortir une histoire scindée en deux. Ou à quelque part dans le sixième ou septième chapitre, ton personnage a un choix à faire. Donc, il va choisir un clan ou l'autre. Donc, dépendamment du jeu que tu as en ta possession, mais tu vas suivre un scénario ou l'autre. Donc, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est en fait ces deux clans, les Nord et les Hoshido, qui se font en fait la guerre. Et toi, tu joues un personnage qui se réveille, amnésique. Comme habituellement, il y a beaucoup de jeux de Fire Emblem là, que le personnage se réveille et se rappelle plus de rien. Là. Donc, c'est le syndrome du politicien. Oui, c'est ça. Ah, ben oui, peut-être. Donc, c'est ça, il se réveille amnésique, il se réveille du côté des Nords. Donc là, il s'aperçoit que les Nords sont pas très gentils, en fait. Donc, ton personnage va être porté à faire des missions pour eux. Puis, à un moment donné, il arrive quelque chose où ton personnage va se retrouver du côté des Hoshido, donc de l'autre clan, parce qu'elle va être attaquée. Puis, un peu plus tard dans le jeu, ben là, les deux clans vont se rencontrer, puis elle va apprendre, je ne veux pas trop dévoiler qu'est-ce qu'elle apprend, mais en fait, elle va apprendre quelque chose sur sa personne qui fait en sorte qu'elle va devoir choisir entre est-ce que je poursuis la guerre du côté des Nords ou je poursuis la guerre du côté des Hoshido. Mm. Donc, dépendamment du jeu que tu as, moi, j'ai Conquest, t'es obligé de poursuivre du côté des Nords. Si on a Birthright, on poursuit le scénario du côté des Hoshido. Ouais. Et plus tard, c'est cette semaine, je pense même c'est le 10 mars, il y a un troisième scénario en contenu téléchargeable qui est Révélation, qui lui, supposément qu'on prend ni une ni l'autre des voix. Donc ça, c'est un peu la prémisse de base du jeu. Tu fais partie du groupe des indécis. Ouais, c'est ça. T'es un indépendant. Ouais, c'est ça. Libéral, PQ ou le reste. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est l'histoire. Je ne veux pas trop en dire parce que l'histoire là, est vraiment intéressante. Il y a plein de rebondissements. Elle est divisée en 27 chapitres. Ouais. Puis, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, le jeu, parce que je n'ai pas encore dit c'est quoi, c'est un jeu un RPG tactique. Donc, en fait, moi, je considère ça comme un gros jeu d'échecs. Ouais, c'est ça. Donc, le jeu, comment il est fait, il est divisé en 27 chapitres. Puis, chaque chapitre va te raconter un bout d'histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Donc, on lit beaucoup. Il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogue, mais c'est beaucoup de lectures. Puis, une fois que le jeu te raconte un bout de l'histoire, donc, par exemple, ton équipe part pour une mission dans une plaine, etc., donc, va rencontrer des ennemis. Lorsqu'arrive le combat, ben, le jeu s'ouvre comme une plateforme d'échecs, si on veut. Divisé en cases, puis là, on va diriger nos armées, puis on va les déplacer sur l'échiquier. Donc, dépendamment du personnage, ben, il va bouger de 3 cases ou 4 cases ou 5 cases, donc il peut bouger de différentes façons, puis c'est vraiment tour par tour. Donc, on attaque les ennemis de l'autre côté sur notre échiquier, si on veut. C'est vraiment comme des les personnages deviennent comme les pions d'échecs? T'as-tu des cavaliers, des tours, puis des... C'est pas échecs. Okay. Mais c'est comme des petits pions, si on veut. Tu sais, c'est des petits personnages à l'écran. Là. C'est vraiment petit, sur ton échiquier. Puis il y en a, mettons, qui vont sur un dragon qui va voler, donc qui va pouvoir se déplacer plus vite, plus loin, je veux dire. Puis là, après ça, ben, tu déplaces tes armées tour par tour. Puis quand tu arrives près de l'autre, d'une autre armée, à une case près ou à deux cases près, dépendamment si ton personnage a un arc ou quelque chose qui peut tirer de loin, mais là, tu vas engager le combat. Okay. Mais le combat, en le fond, tu diriges pas le combat, tu engages, en fait, tu fais juste te rapprocher de l'ennemi, puis tu choisis un peu l'ennemi que tu veux attaquer, puis tu vas choisir ton arme, mais le combat se fait tout seul, c'est une petite animation, puis ton personnage va attaquer tout seul. Donc, c'est vraiment là comme... Moi, j'avais joué un jeu d'échecs là, dans le temps de la 486, là, puis c'était un peu ça, tu déplaçais tes pions, puis quand ils arrivaient proches, ben, tu voyais la petite animation de combat, puis après ça, qui gagnait, ben, prenait la place de l'autre. Donc, c'est à peu près ça, c'est comme ça un peu que ça marche, là, les combats. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment tactique, puis tu as des choix, chaque personnage va avoir des choix d'armes, dépendamment de son type, de sa classe, etc. Donc, il peut se battre avec une épée, il peut se battre avec un arc et des flèches, avec une hache, avec une lance. Aussi, sur la carte en tant que telle, lorsqu'on est en combat, mais il va y avoir certains endroits sur la carte où, ils appellent ça des... Dragon's Vein. Ouais, c'est ça. Donc, il y a certains personnages qui sont des princes ou des hauts classés dans la hiérarchie des Nords ou des Oshido, dépendamment de la classe que tu as pris, qui va pouvoir aller sur cette empreinte-là, puis va modifier la carte. C'est-à-dire qu'à mettons, on est sur une carte de combat où il y a des rivières, mais si tu déposes ton personnage sur l'emblème, puis que tu décides de faire une action, ben, ça va, mettons, assécher les cours d'eau. Donc, ça va te permettre de déplacer des personnages puis couper un petit peu court là, sur le plateau de jeu. Ou, par exemple, il y a des tableaux où est-ce qu'il va, ça va faire apparaître des murs. Il y a des tableaux où est-ce qu'il y a du vent. Donc, ça va changer les courants de vent. Donc, ça va bloquer des attaques puissantes. Donc, ça, c'est nouveau dans la franchise. Il n'y avait pas ça avant, là. Non, puis c'est ça, c'est assez intéressant parce que de mission en mission, tu sais, contrairement aux autres Fire Emblem, oui, tu avais différents types de terrains, par exemple, tu sais, en forêt, bon, tes mouvements pouvaient être plus limités à cause de la nature, finalement, du terrain. Mais là, le fait que certains personnages peuvent modifier l'environnement, ça fait en sorte que ça peut changer l'élément tactique d'une mission, puis ça, c'est intéressant. J'imagine que tu veux l'aborder, mais il y a maintenant des modes de difficulté qui permettent aux nouveaux venus d'avoir une expérience moins brutale. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des... tu sais, c'est reconnu pour être un jeu assez brutal. Donc, il y a vraiment le mode... si on veut, mode mort permanente. Donc, c'est-à-dire que lorsque c'est le mode de difficulté le plus difficile, c'est que si ton personnage meurt, il meurt pour le jeu, là. Ouais. Donc, tu peux avoir investi 10 heures dans ton personnage, à l'avoir monté de niveau, acheté des armes, tout et tout. Tu perds le combat contre une personne, il meurt, ben, tu l'as plus pour le reste du jeu, là. Sauf si c'est le personnage principal de l'histoire, là. Vraiment, là, t'es game over, puis ça revient à ta sauvegarde, là. Mais sinon, tu perds tes personnages. Moi, j'ai pas joué avec ce mode-là. J'avais fait Fire Emblem Awakening avec ce mode-là, puis en fait, j'étais rendu à toujours aller rechercher ma sauvegarde. Fait que je trichais moi-même dans le mode parce que je trouvais ça dommage de perdre un personnage que ça fait 15 heures que j'essaie de monter. Puis veux pas, quand tu attaques un autre personnage sur le plateau, ça reste que t'as les pourcentages de chances de frapper, mais ça reste que c'est quand même aléatoire. T'sais. Donc, ton personnage peut manquer son attaque, l'autre te tue, puis là, tu fais « OK, ben j'étais supposé en réalité gagner selon les statistiques, puis là, je viens de perdre mon personnage. Mm. » Donc là, moi, ça me faisait un peu suer. Fait que je suis allé pour le deuxième mode, qui est le mode de difficulté normal, qui fait en sorte que ton personnage, s'il meurt pendant une des batailles, qu'il y en a 27 dans le jeu, en fait, tu le perds pour cette bataille-là. Donc, à la prochaine bataille, ben tous tes personnages sont revenus. Donc, moi, j'ai choisi ce type de mode-là. Ou sinon, tu as le mode où, lorsqu'il meurt, ben, après quelques minutes, il revient à la vie. Je sais pas trop comment, parce que je l'ai pas essayé, ce mode-là, mais il y a le mode, c'est ça, il revient à la vie pendant ton combat. Ouais, c'est le mode Phoenix, je pense. Je pense que ben c'est ça, t'as, maintenant t'as plus de modes de difficulté, puis tu peux choisir, par exemple, t'es en mode normal ou t'es en mode difficile, tu peux choisir comme un sous-mode, à savoir est-ce que tu veux que tes personnages, quand ils meurent pour de bon ou ils peuvent revenir. Fait que c'est plus convivial là, pour ceux qui ont jamais joué à un Fire Emblem, parce que c'est pas des jeux qui sont nécessairement faciles, puis c'est ça un peu que j'ai retrouvé dans Fate. C'est pas des jeux non plus. Oui, il y a des espèces de petits didacticiels là, tu sais, qui vont vraiment t'expliquer les mécanismes de base, mais il y a des affaires là, c'est pas toujours évident, là, notamment pour équiper des personnages là, d'autres armes ou armures ou tout. C'est pas si évident que ça. Non, c'est ça. C'est pas beaucoup expliqué, mais c'est loin d'être aussi complexe que le jeu que j'ai fait la semaine passée avec Xenoblade. Là. Oui. Il n'y a pas si peur que ça là, de jouer à ce jeu-là. Là. C'est vraiment loin de là, mais c'est quand même, ça peut être quand même un petit peu. Il faut lire un peu. Là. Oui. Selon la difficulté, ça a l'air que Conquest serait plus dur que Birthright. J'ai commencé à faire Birthright, mais Conquest, il n'y a pas beaucoup de missions secondaires. Donc, tu n'as pas beaucoup de possibilités pour augmenter tes personnages. Donc, je crois que c'est ça qui fait en sorte qu'il est plus difficile. Donc, à chaque fois que tu joues, tu sais, moi, j'essayais d'attaquer avec les personnages que je voulais faire évoluer pour pouvoir gagner plus d'expérience possible, parce que je savais que j'avais pas beaucoup de possibilités outre les missions principales. Il y a peut-être 4-5 missions secondaires sans plus dans tout le jeu. Là. Donc, il faut faire attention parce que les personnages n'évoluent pas beaucoup. J'ai commencé un peu Birthright, puis je vois déjà que la première mission, je peux en faire là, des missions secondaires. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il parlait d'une facilité un petit peu plus facile du côté de Birthright. Mm-hmm. Aussi, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on a une espèce de château à développer. Donc, on va se retrouver un moment donné dans le jeu, dans une espèce d'une autre dimension, si on veut, puis on a une espèce de grande ville à pouvoir développer. Donc, on va bâtir des magasins ou on va pouvoir acheter des armes, augmenter les liens entre les personnages. Ça, c'est un peu nouveau parce qu'avant, en fait, c'était une carte où on se promenait, on arrivait dans un village, puis on pouvait acheter de nouvelles armes. Là, maintenant, on développe, si tu veux, notre château. En construisant des nouveaux bâtiments, donc on va s'acheter des armes. On a une baraque à nous, une espèce de place, notre maison, si on veut. Puis là, on va pouvoir améliorer les relations avec les autres personnes. Donc, parce que dans le jeu, si on attaque un personnage, puis que par exemple, il y a un autre personnage qui est juste à côté de nous, ben on peut attaquer à deux. Donc, puis plus ton personnage a une bonne relation avec un autre personnage qui est à côté de lui, bien plus l'attaque va être puissante. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire au niveau de notre château. Puis oui? Ben, au niveau difficulté, les ennemis maintenant, l'intelligence artificielle, dans les autres, par exemple Awakening, dans les autres Fire Emblem, toi, tu pouvais t'allier avec tes propres personnages, mais l'ennemi, non. Mais là, dans Fates, les ennemis peuvent s'allier ensemble, peuvent attaquer à deux. Et des fois, ça peut être... Ouais. Surtout si on joue au mode le plus dur, là, ça peut faire mal. Mm. Faire très mal. Ouais, absolument. Donc c'est ça. Donc, il y a de la gestion. Donc, gestion de niveau, gestion de liens entre les personnages, des armes. Mais c'est pas excessif, là. C'est pas très, très... on va pas se perdre dans la gestion, là. Il y a aussi un mode, pas multijoueur, mais c'est que le château qu'on développe, il y a moyen d'aller visiter les autres châteaux de d'autres personnes qui jouent au jeu. Donc, moi, ça m'est arrivé d'aller voir d'autres châteaux puis que la personne avait développé des trucs que moi, j'avais pas développé. Donc, c'était fait une baraque pour acheter des baguettes magiques que moi, j'avais pas. Donc, j'ai pu aller m'acheter des trucs dans un autre château. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, il faut faire attention parce que cette fonctionnalité-là peut vraiment débalancer le jeu. Je m'explique, parce que si on va voir un autre château, on peut faire des batailles de châteaux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut attaquer un autre château. Mais il y a des gens qui ont fait des châteaux qui sont prenables très, très, très, très facilement. Puis lorsqu'on prend le château, ben on peut récupérer un de ses personnages. Donc, c'est une des récompenses. Donc, on peut se retrouver avec des personnages dans notre équipe beaucoup plus élevés qu'en réalité où est-ce qu'on est rendu dans le jeu. Je l'ai essayé une fois, puis là, je me suis retrouvé avec des personnages comme niveau au plus haut qui faisaient des attaques de fou. J'ai fait « OK, ben j'ai arrêté de jouer avec lui parce que je battais tout le monde. » dans mes chapitres normales, après ça, je battais les ennemis. Les deux personnages que j'avais recrutés étaient beaucoup trop forts, là. Donc ça, c'est le fun, mais ça débalance vraiment beaucoup le jeu, là. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on devrait faire au début, là. OK, c'est intéressant. Ouais. Fait que il y a ça, il y a les amiibo aussi. Donc, yeah! Oh. Hey, j'aime ça, les amiibo! Oh, oui, je sais que t'aimes ça. T'en fais venir d'Europe. T'en fais venir de partout, là. Ils s'en viennent d'Australie, les autres. Oh, oh. J'ai le nom d'un bon psychologue, si jamais quelque chose. Ah ouais? Ouais. Dr. Maillot? Non? Ah non. Lui, probablement qu'il achète des amiibo aussi. Mais lui, tu sais, ils sont tous barbus. Puis... Ah, OK. Il achète des amiibo, puis il blâme sa mère après. Ouais, c'est ça. Mais pour les amiibo, en fait, les amiibo de Fire Emblem, Mark, Lucina, Ike, Robin, qui peut, en fait, lorsqu'on touche la console, ça débloque le personnage, le personnage de l'amiibo, puis il est jouable dans le jeu. J'ai juste lu que ça faisait ça. Je ne l'ai pas essayé parce que mes amiibo, ben, ils sont pas tous comme déballés. Non? Oh, tu gardes ça dans les... Non, mais... Oh. Ben, ouais, genre... Hey, Luc, il va falloir y référer. Ouais, c'est ça. Donc, ça va pas bien. Non. On est là pour t'aider. Oui. Même je sais que, tu sais, professionnellement parlant, on fait une chronique, puis tu sais, j'aurais dû les déballer, mais je me dis que je me suis dit à ce que ça faisait. Non, c'est correct, là. Puis, tu sais, je dis ça, mais j'ai un amiibo Fox qui est encore dans sa boîte. Voilà, et voilà. Fait que oui, je suis autant coupable. Mais, j'allais dire quelque chose, ça n'a pas rapport avec Fire Emblem. Fait que, vas-y, continue. En fait, j'ai pas mal fait le tour. Point positif de ce jeu-là, moi, je dirais l'histoire, très intéressante. Si vous n'aimez pas lire du texte, oubliez ça. C'est vraiment, moi j'appelle ça comme une histoire, c'est une histoire interactive, c'est 27 chapitres d'un livre, puis pour passer d'un chapitre à l'autre, on se bat sur une espèce de jeu d'échecs. Donc moi c'est comme ça que je le prends, là. Si on aime ça faire du développement de personnages, c'est super intéressant. La chose que j'ai moins aimé, je trouve qu'on nous pousse beaucoup de DLC dans la gorge. Ouais, ça arrive souvent qu'on ouvre le jeu, puis là, t'as un pop-up qui te dit « Ah, ben, il y a deux DLC. Ouais, OK, j'ai acheté le jeu 50$. Peux-tu me laisser le finir avant d'aller au DLC? » Non. Donc, ça, j'aime moins ça. Puis j'aime moins le fait que, tu sais, il nous force quand même à acheter deux jeux. Oui, on peut acheter le premier jeu, par exemple, à 50$, puis après ça, acheter le deuxième en téléchargement à 20 ou 25$. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai acheté les deux boîtes. Donc, il reste que c'est 50$ par boîte. Puis, tu sais, en fait, il aurait pu rentrer ça là, dans une même cartouche. Tu sais, vraiment, là, mais ils ont voulu le séparer. Puis là, ils sortent le troisième contenu à 20$ pour Révélation. Donc, en tout et partout, il va m'avoir coûté 120$ le jeu. Ouais, puis tu sais, j'ai l'impression... En fait, moi, je compare ça à la mode Pokémon. Là, c'est-à-dire, ça que j'allais dire. C'est ça. Ouais. C'est ça. On divise le jeu en deux, mais pour pas... T'sais, au final, oui, c'est deux histoires complètement différentes, parce que c'est deux points de vue de l'histoire complètement différents, mais on aurait pu mettre ça là, dans le même. Là. Oh, oui. Donc, un jeu au final qui va m'avoir coûté 120$ pour connaître l'aboutissement de l'histoire complète, ça, c'est cher. Oui, absolument. Si on met à côté le prix, c'est un très, très bon jeu. Là. Les amateurs de Fire Emblem, moi, je pense que c'est plus accompli des jeux. Puis, ceux qui n'ont pas peur de s'attaquer à ça, c'est super intéressant. Par contre, il est juste en anglais. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, il n'est pas sorti en France. Peut-être ça va faire comme Xenoblade, puis qu'ils vont nous donner un téléchargement pour la langue française. Mais là, il est juste en anglais. Donc, ça peut être un point négatif aussi. Ben, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une mise à jour éventuellement pour ajouter le français. Parce que récemment, il y a eu Yo-Kai Watch qui a été mis à jour avec le français. Donc, ça se pourrait. Okay. Même chose pour Xenoblade. Là. Ouais, c'est ça que Xenoblade l'avait fait. Ouais. Xenoblade Cross, rappelons-le. Ça se pourrait très bien. Si tu avais une note à donner, moi, j'ai une idée là, de ma note, mais si je te laisse aller avec une note. Ben, moi, je donnerais un 8.5. Là. J'ai vraiment aimé pour la partie Conquest. Je vais faire la partie Birthright. Je vais voir si la note va augmenter ou va descendre. Mais côté jouabilité, je pense pas que ça va changer grand chose. Donc pour moi, là, c'est un achat. Là. Si on aime les jeux, les RPG tactiques, puis on aime lire des histoires intéressantes, là, c'est un achat. Là. Mais moi, j'y allais pour un 8. Ah, OK. Donc, pour moi, c'était 8, mais tu vois, moi aussi, mais il faut que vous aimiez le genre tactique. Effectivement, il y a beaucoup de textes à lire, là, ça, je suis d'accord avec toi. C'est, oui, des bouts au départ. C'est un départ qui est lent aussi, hein. C'est ça prend du temps. Oui, c'est lent. Le personnage n'est pas sûr, il est d'un côté. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Se retrouve de l'autre bord, de l'autre équipe. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est lent, mais c'est bon. Oh, oui. Intéressant. All right, super. Luc! Moi. C'est le temps de parler de tes arachides. Ben oui, mes peanuts. Donc, Monsieur Planter s'en va au marché. Non, c'est ça, moi, je vais vous parler de Peanuts, le film. C'est, bon, ceux qui connaissent Charlie Brown et Snoopy, le nom original, c'est les Peanuts. Là, c'est comme l'univers, c'est l'univers des Peanuts. Donc, il y a un film d'animation qui est sorti, qui est fait par Blue Sky Animation Studio, qui est... la même gang qui ont fait Air de glace et tout ça. Donc, la bande-annonce de ce film-là a sorti il y a un petit bout de temps. On nous montrait des brides d'animation. Puis, j'ai jamais été un fan des Peanuts. Ça, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Il y a des petites animations qui passent à la télévision le samedi matin, je pense. Là, je me rappelle bien, c'est le samedi matin. C'est drôle, mais sans plus. Là. Donc, les Peanuts, pour moi, c'était ça. C'était comme agréable à regarder, mais bon, ça m'intéressait plus ou moins. Mais j'étais intrigué par le type d'animation qu'on a décidé de faire. C'est qu'on a décidé de mettre ça en 3D, mais on a gardé vraiment le design et le look de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire l'animation des bouches et tout ça, qui est un peu genre ficelle ou c'est un peu bizarre là, de la manière que c'est animé. On a gardé ce style d'animation-là. Donc, c'est vraiment très... C'est vraiment... On a gardé ça fidèle. Donc... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film qui était intéressant. C'est surtout l'animation qui m'a intéressé. Côté histoire, là, c'est vraiment l'histoire classique de Charlie Brown qui est jamais capable de rien faire comme du monde, puis qui se plante tout le temps, puis qu'il n'y a rien qui marche. Puis c'est le perdant idéal. Je veux dire, il est toujours en train de manquer son coup, peu importe ce qu'il essaye. Puis il y a toujours son chien qui est là pour, bon, simili l'appuyer. Des fois, il l'aide, des fois, il nuit plus que d'autres choses. C'est Caillou Loser. Ouais, c'est ça, c'est Caillou Loser. C'est drôle parce qu'il est toujours habillé pareil aussi, puis à un moment donné, il y a une scène où ce qu'il va dans son garde-robe pour essayer de se trouver du linge, puis c'est le même chandail comme 20 fois, puis il dit « Ah non, pas lui, je vais prendre lui à la place. » C'est parce qu'il est pareil. T'sais. Mais et c'est le seul petit gars vraiment comme Caillou, chauve, là, t'sais, rendu à l'âge qu'il a. Il me semble qu'il devrait avoir des cheveux, sinon sa vie va être longue. Mais bon, on retrouve tous les personnages principaux, là, Linus, Lucy, bon, toute la gang, Peppermint Patty. Puis, on va retrouver, bon, Charlie Brown qui va encore essayer de faire plein de choses, qui va rater. C'est le film où on va rencontrer la petite fille rousse qui est le grand amour de Charlie Brown là, qu'on voit dans les dessins animés. Donc, il essaye de faire sa rencontre, mais il est gêné. Fait que là, le chien va essayer de prendre le dessus, comme on voit dans la bande-annonce, pour qui il parle, puis il sauve en courant, il est pas capable. Il a peur qu'elle le voie comme un loser, ce qui est finalement là, dans le fin fond. Mais bon, il va essayer de combattre cet effet de toujours perdant-là pour essayer d'arriver à quelque chose dans sa vie. L'histoire est vraiment simple. Là. C'est vraiment l'histoire du petit gars qui essaye de réussir puis qui manque toujours son coup pour se rendre jusqu'à la fin où il va se passer quelque chose que je vous dirai pas. C'est un peu différent des films d'animation traditionnels. C'est qu'à un moment donné, bon, je veux dire, c'est bien beau être un perdant, mais à un moment donné, il faut qu'il réussisse certaines choses. Ce qui est un peu dans l'histoire... C'est une histoire classique, c'est pas une nouvelle histoire de Charlie Brown parce que Charles Schulz, à sa mort, a dit qu'il y avait comme dans son testament qu'il n'y a aucune nouvelle histoire des Peanuts qui pourrait être réécrite. Donc, ses enfants, Craig et Brian Schulz, ont travaillé avec Blue Sky Studio pour faire une histoire classique de Charlie Brown parce qu'ils n'ont pas le droit de réécrire des nouvelles histoires. C'est clair, il n'y aura jamais rien de nouveau sur les Peanuts, à moins qu'on réussisse à trouver une brèche dans le testament puis dans ses demandes. Là. Mais sinon, on y va avec des histoires classiques, donc on va reprendre des histoires qui existent déjà. C'est un peu, il y a rien, comme je dis, il n'y a rien de nouveau dans cette histoire-là. On a pris une histoire, on l'a retravaillée un peu, puis on l'a mis au grand écran. Les animations sont très belles, l'histoire est intéressante. Vous allez voir que c'est un peu vieillot. Là. Charles Schulz, c'était pas un genou. Quand il est mort en l'année 2000. Là. Fait qu'on a encore l'espèce de baron rouge là, contre Snoopy qui fait voler sa niche, là, qui est toujours quelque chose qui m'a achalé un peu parce que je vois pas où c'est que ça pourrait intéresser des enfants de parler de la Première Guerre mondiale, là, mais en tout cas, c'est encore un peu là-dedans. On retrouve Snoopy et Money qui se pensent vraiment dans la Première Guerre mondiale, puis avec les barbelés et toute la patente, là. Mais ça reste drôle, ça reste efficace. Moi, personnellement, c'était pas un film qui m'intéressait à aller voir. Juste, je trouvais, oui, l'animation intéressante, mais pour le reste, je me disais, ah, ça va être poche et tout ça. Mais mon gars me disait, ah, Snoopy, je vais aller le voir, Snoopy. Fait qu'on est allé le voir pareil. Finalement, j'ai été comme simili agréablement surpris. Donc, j'ai pas été aussi déçu que j'aurais pensé le l'être. C'est pas un grand film. Comme je dis, c'est rien de nouveau. Fait que si vous avez écouté les dessins animés des Peanuts depuis que vous êtes tout petit, puis ça peut dater de la semaine passée à juste à 40 ans, si c'est moins. Mais, c'est quand même intéressant. Fait que je peux pas vous dire que je vais lui donner un 9.5 sur 10. C'est merveilleux. Si vous l'avez pas vu, faut absolument que vous voyez ça. Mais tu sais, c'est agréable. Peut-être un 7.5 sur 10. C'est une belle location. Il sort en DVD, bientôt aussi. Je pense qu'il vient peut-être de sortir en DVD. Ça dure un peu moins d'une heure et demie. Ça dure 88 minutes. Vous allez trouver, tu sais, tout le monde va trouver son compte là-dedans. Il y a des scènes qui sont vraiment drôles, il y a des scènes qui sont juste correctes. Les choses de Deuxième Guerre mondiale, bon, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même bien fait. L'animation, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Je trouve qu'on a, même si on a mis ça au goût du jour, avec du 3D, puis avec, tu sais, des profondeurs, puis des belles couleurs et tout ça, on a gardé l'espèce de d'animation traditionnelle, la manière que les bouches sont animées, la manière que les personnages vont transmettre leurs émotions aux spectateurs. Fait que je trouve ça intéressant qu'on ait gardé quand même ça fidèle. On n'a pas décidé de tout changer puis de mettre ça tout moderne avec, tu sais, des bouches normales et tout ça, puis des animations plus modernes aussi. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Donc, c'est ça. C'est un film qui avait quand même généré pas mal d'engouement quand c'était sorti, parce que, bon, là, je me rappelle que quand j'étais allé chez McDo, parce que oui, des fois, je vais me boucher les artères, là. Mourir de quelque chose? Ah, ben, écoute, tant qu'à mourir, aussi bien avoir du plaisir à manger. Hein, italien, manger, en tout cas, bref. Ouais, c'est ça. On en parlait justement avant l'émission. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y avait des jouets de tout ça, tu sais, puis je pense que ça a eu quand même un pas pire succès en salle, le Peanuts Movie. Oui, le budget était de 99 millions, puis ça a fait 245,9 millions. Mais tu sais, je pense qu'il y a bien du monde un peu comme, tu sais, je veux dire, ça marche, les Peanuts, puis Snoopy, puis tout ça, puis il y a du monde qui aime vraiment ça, puis ça leur rappelle plus peut-être leurs souvenirs que moi. C'est sûr que si tu vas du côté américain, c'est beaucoup plus gros que ce lit ici, parce que pendant longtemps, les Peanuts, ça a juste été en anglais. Donc, les enfants qui parlaient pas nécessairement anglais, qui étaient pas anglophones ou qui écoutaient pas la télévision en anglais, les Peanuts, pour eux autres, c'était rien. T'sais, ça a commencé par un comic strip dans les journaux, puis ça a évolué. Mais ça a pas évolué ici en partant. T'sais, ça a plus commencé aux États-Unis. Fait que probablement que la majeure partie de cet argent-là était faite aux États-Unis par t'sais, du monde qui sont un peu nostalgiques, un peu comme moi, je suis nostalgique de Star Wars, puis que je vais voir tout ce qui s'appelle Star Wars qui est dessus, que ça soit bon ou pas bon. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé probablement avec ce film-là. Mais oui, ça a connu un succès. Est-ce que ils vont en avoir un deuxième? Moi, je pense que oui. C'est juste le problème, c'est qu'ils peuvent pas écrire de nouveaux scénarios, fait qu'ils sont pris à revamper des vieilles histoires. Mais tu sais, on peut sortir quelque chose avec la grosse citrouille ou, tu sais, des histoires classiques de Charlie Brown, Noël, Charlie Brown, des choses comme ça, tu sais, peut-être que oui, tu sais. Ouais, puis tu sais, faut dire que Snoopy, en tant que tel, a vécu ses propres aventures sans Charlie Brown, mais tu sais, c'est ça, je me rappelle que quand j'étais petit, je voyais des très, très courts dessins animés avec Snoopy, mais Snoopy, quand je voyais ça, parlait pas. Fait que, tu sais, c'était des petites aventures avec lui puis son ami l'oiseau, là, je m'en sais pas son nom. Woodstock. Woodstock. Ouais. Donc, tu sais, je me rappelle de ça, mais t'as raison en disant que ça a été très, très populaire aux États-Unis. Ici, ça a pris beaucoup plus de temps. Non, c'est ça, je me rappelle que l'automne dernier, c'était un film que plusieurs parlaient comme étant surprenant, parce que bon, on n'attendait rien de nécessairement de ça, puis finalement ça a eu un gros succès. Contrairement à un autre film d'animation qui vient de sortir qui s'appelle Zootopia, là. Ouais, t'as-tu été voir ça, toi? Non. Moi, je suis allé voir Deadpool à la place. Ouais, c'est ça. Ben, Zootopia, c'est un film qui va nous intéresser côté famille. Deadpool, je suis pas encore allé, mais... Ben, si tu veux parfaire l'éducation sexuelle de ton gars, tu peux aller voir Deadpool, là, mais c'est assez trash, Deadpool, mais c'est bon. Oh ouais, Deadpool, là, j'en ai vu des petits bouts, puis ça, oui. Oui, non, c'est assez intense. Mais juste dire, les lignes, les files d'attente pour entrer dans les salles de cinéma pour Zootopia, c'était assez hallucinant. Là. C'était plein. En tout cas, faut dire que j'étais allé vendredi, là, donc vendredi le 4 mars. Ouais, c'était sa journée de sortie. Ouais, ouais c'est ça. C'était... En plus, en semaine de relâche. Alors, 20 millions juste vendredi, là, Zootopia. Alors, c'est fou, là. C'était complètement fou. Et je peux vous dire, sans exagération, j'ai attendu 35 minutes pour avoir mon maudite boisson gazeuse. Il y avait du monde, là. C'était effrayant. Ouais. Juste pour finir avec Snoopy, on disait que c'était un succès et tout ça. Fox aimerait ça faire un deuxième film, mais selon les dires, Fox avait le droit de faire un film. Oui, c'est ça que j'avais entendu, moi aussi, qui n'était pas intéressé à faire un deuxième. Ben, ils sont très intéressés à faire un deuxième. Mais c'est parce que Schultz a été vraiment soit protecteur de ces choses pour être certain que personne vienne y scraper ça, puis que, tu sais, finalement, on retrouve Charlie Brown 20 ans plus tard comme un crack addict sous mort dans une ruelle, tu sais, parce qu'il n'a jamais rien réussi dans sa vie, tu sais. Fait qu'il voulait peut-être vraiment protéger ses personnages et tout ça. Mais, tu sais, donc, c'est ça. Tu sais, un peu comme Marvel avait fait avec Spider-Man, tu sais. Quand Fox quand Sony avait eu les droits de Spider-Man, dans le contrat, c'était dit qu'il fallait absolument que Peter Parker soit blanc, qu'il soit gentil, respectueux, qu'il prenne pas de drogue, qu'il ne fume pas. Il y avait des affaires vraiment strictes dans le contrat, là. Est-ce que ça va changer avec le temps? Peut-être, là, mais c'était vraiment ça qui était dans le contrat au début. Fait que probablement que Schultz a décidé, c'est pas vrai qu'ils vont faire ce qu'ils veulent avec Charlie Brown, puis qu'on va maintenant voir un Charlie Brown ado ou adulte, aussi loser qu'il est quand il est enfant. Fait qu'il a probablement mis ça vraiment, c'est ma création, c'est moi qui le contrôle. La journée que je meurs, tant pis pour vous autres. Là, moi, j'ai une question papa. Là. Ouais. Est-ce que c'est un film que tu regarderais 36 fois dans le prochain mois? Parce que moi, je me demande, est-ce que j'achète le DVD quand il sort ou je le loue? Ça dépend beaucoup de tes enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? T'sais? Oui, tu sais, t'as le chien, t'as Woodstock, qui sont des petits animaux cute. T'sais. Les autres enfants sont cute par bout, mais des fois, certains sont un peu pathétiques. Je sais pas si c'est le genre de film. Moi, je le louerais en premier. Voir si tes enfants vont triper là-dessus. Puis si c'est un film qui les accroche, mais tu sais, c'est du temps gratis pour papa. Quand tu lui mets ça, tu vas faire d'autres choses. T'sais. Moi, je l'ai regardé une fois, je le regarderai pas une autre fois. Mais si mon gars me demande, tu sais, ah, papa, on achète-tu Snoopy, mais qui sort en DVD, ou tu sais, on l'achète-tu, oui, si tu veux le regarder encore, tu vas le regarder tout seul. Je le regarderai pas une autre fois. Là, ouais. Mais y a-t-il des chansons? Non, il n'y a pas de chansons. Ça chante. Ok, c'est bon. Si je me rappelle bien, ça chante pas, non. Non, c'est pas comme une certaine Reine des Neiges. Oh, non. Ouais, Disney, on s'en attend. Moi, Disney, c'était clair, hein, tranche de vie. Quand le film Dinosaure est sorti il y a plusieurs années, un de mes chums voulait aller voir ça absolument parce que c'était quand même un dessin d'animation. C'était 3D, c'était un peu à la Pixar, mais pas dans ce temps-là. Puis moi, je disais à mon chum, moi, je te jure, hein, si les dinosaures se mettent à chanter, je sac mon camp. Et ils n'ont pas chanté. C'était bien. J'ai regardé le film au complet. Tu sais, Disney, faut-tu s'en attendre? Disney égale chanson, là. Ouais. Mais non, dans Peanuts, si je me rappelle bien, il n'y a pas de chanson. Si, peut-être une, là, mais tu sais, rien de... Non, c'est pas une comédie musicale. All right. Ouais. Je vais terminer le show en vous parlant de trucs techno parce que récemment, je suis allé chez Best Buy. J'ai eu une visite du magasin du centre-ville que je connais déjà. Mais j'ai pu rencontrer, je m'excuse, je me rappelle plus de son titre, mais Thierry Lopez de Best Buy qui m'a un peu parlé des tendances techno actuelles et futures aussi. Donc, on a vraiment fait le tour des différents départements, sauf probablement jeux vidéo, mais jeux vidéo, bon, on s'entend que j'avais pas nécessairement besoin d'un tour là, de ça. Donc, on a commencé au niveau des électroménagers, en fait, au niveau des électros, ce qui est en émergence en ce moment, c'est certains types de frigidaires, en fait, maintenant, les compagnies comme par exemple Samsung ou LG sont en train de concevoir des frigidaires à trois tiroirs. Donc, tu as les tiroirs du haut qui sont pour la bouffe normale. Tu as le congélo en dessous, mais entre les deux, tu as un autre tiroir qui est un entre-deux entre le réfrigérateur et le congélateur. Et ça, ce que Thierry m'a expliqué, c'est que ça sert pour les lunchs. OK. Donc, tu peux pas mettre tes lunchs dans les autres tiroirs, que ça se désagrège. C'est censé conserver tes affaires de façon plus fraîche. OK. Notamment dans une pub de Samsung, ce qu'on voit, c'est une petite fille, puis là, elle est toute énervée, puis là, elle ouvre le tiroir, puis dans le tiroir, il y a plein de jeux Oasis, puis c'est ça, tu sais, c'est censé garder tes boissons, pour collation, plus fraîches. Donc, tiroir du milieu. Fait que c'est pour ça que dans les prochaines années, vous risquez d'avoir de plus en plus de frigidaires avec trois tiroirs au lieu de deux, parce que le tiroir du milieu est censé être pour les lunchs. Ouais, juste pour être consciencieux puis faire ton recherchiste, Thierry Lopez est Marketing et Corporate Affairs Manager pour le Québec, pour Best Buy Canada. Écoute, je te privilégie ce jour-là. Tu parlais à quelqu'un. Oui, c'est ça. J'ai parlé à quelqu'un. Éventuellement, on verra aussi des frigos avec écran. Ce que je disais à Thierry, c'est je vois pas trop l'intérêt d'avoir le Wi-Fi et d'aller sur une net sur un frigo. Là. Mais ce qu'il m'expliquait, c'est que l'écran va te permettre de contrôler différents éléments dans ton frigo, notamment le degré d'humidité des compartiments. Ce qui peut être intéressant au niveau des fruits et légumes, par exemple, qui demandent un degré d'humidité différent du reste. Tu vas pouvoir contrôler beaucoup de choses comme ça. Et éventuellement aussi, ce qui viendra, c'est que ton frigo va pouvoir faire une analyse des aliments dans le frigo et te suggérer des recettes. Analyser ce que t'as dans ton frigo puis te donner ta date de décès. Aussi. Et puis, ça pourrait. Il va envoyer ça au Wi-Fi au poêle, puis là, le poêle va le faire à ton souper. Ouais. Ça serait le fun. T'as trop de bière et de liqueur et de barres de chocolat et de cochonnerie dans ton... Et dans 3 semaines. Fait que, en tout cas, c'est ce qui est à venir. Pour le reste, au niveau de la Rush Sécheuse, c'est, disons, assez standard depuis quelques années. On a regardé aussi brièvement les aspirateurs intelligents, là, notamment les fameux petits robots. Là. T'es-tu en train de devenir un homme rose? Non, mais... Star, laveur, sécheuse, balayeuse. Attends, je vais arriver vers des choses plus intéressantes, là. Okay. Mais, je crois que c'est pas intéressant. Tout le monde, ça sert de ça normalement, mais je veux dire, tu sais... Toi, homme macho. Parler de laveuse sécheuse. OK, c'est bon. Oui. Je suis sorti de ma zone de confort, mais tu sais, on a notamment vu les espèces de robots là, qui passent la balayeuse à ta place. iRobot. Oui, les iRobot. Et ça devient de plus en plus, perfectionné. Mais c'est un marché encore en développement. Ça ne pogne pas encore tant que ça. Ces petits robots-là, ça a l'air que les gens préfèrent encore passer la bonne vieille balayeuse, mais c'est à venir avec plus d'options de programmation. Je pense qu'il y a des craintes, hein? le monde a peur que ça se plante dans les escaliers tout ça, mais une de mes collègues en a une puis elle l'adore. Ouais. Ça reconnaît les escaliers puis c'est capable de sauver sa vie, tu sais. Oh, oui. Des fois pas comme nous autres qui va bêcher les escaliers, ce petit robot-là ne le fait pas. Moi j'ai plus peur que ça devienne un jouet pour mon chat là. Mais ton chat pourrait s'asseoir dessus. Ben c'est ce que j'ai peur. Se laisser promener. Tu sais. C'est vraiment ce que j'ai peur parce que ça va arriver si j'ai ça un jour. Ouais. Après ça on est allé du côté de la musique. Je connaissais différents types d'écouteurs. On a notamment regardé les Beats de Dr. Dre qui sont très très très populaires. Par contre les Beats le problème c'est que ça va pas rejoindre les sons qui sont fins. C'est beaucoup plus des écouteurs pour les basses. Donc, ça, c'est un problème des beats. Ce qui est le compte. Sont aussi trop dispendieuses pour ça. Oui, c'est vraiment pas donné, là, les beats. Il y a différents types d'écouteurs autres, par exemple de basses ou d'autres compagnies qui vont rejoindre les sons plus fins, un petit peu moins la basse, mais les sons plus fins, ils vont être capables de mieux les capter et pour pas mal moins cher aussi. Au niveau des écouteurs, ce que Thierry me disait, c'est qu'on assiste au phénomène contraire de plusieurs autres types de technologies, c'est-à-dire autant ça va vers la miniaturisation dans d'autres technologies, autant au niveau des écouteurs. Oui, on assistait à ça il y a une époque, mais maintenant, ça devient de plus en plus gros. Donc, les gens veulent des gros écouteurs aujourd'hui. Ah ben ouais, là, la princesse Léa se promenant dans la rue en écoutant la musique en s'en allant au bureau. Avec des beats, t'as pas mal de chances d'avoir de l'air de ça aussi. Ouais, ouais. Sinon, après ça, un des gros vendeurs depuis le dernier temps des fêtes, c'est les drones. Les drones qui vont te permettre de capter certains moments, notamment en voyage, par exemple quand tu t'en fais du vélo, du surf ou quoi que ce soit. Et les drones deviennent de plus en plus programmables, donc pour voler un certain temps, pour capter différents angles de caméra, des choses comme ça. Finalement, prendre des selfies à 40 pieds. Ouais, oui, ça, je peux te le garantir. Mais les drones, là, ça a l'air que c'est un très, très gros vendeur. Le problème, c'est qu'en ville, t'as pas le droit. Donc, en ville, oublie ça, des drones. Mais notamment auprès des voyageurs, là, ça a l'air que les drones, c'est très, très, très populaire. Donc, ça, c'est vraiment en émergence. Ensuite de ça, on est allé vers les montres intelligentes. Les montres intelligentes, c'est sûr que le Apple Watch demeure le plus haut de gamme, mais c'est très, très dispendieux. Là, on assiste vraiment à une tendance montre-bracelet intelligent. Et ce que Thierry me disait, c'est que les compagnies de montres classiques, par exemple Guess, Michael Kors, des trucs de même, commencent à s'intéresser à ce marché-là. Ce qui va faire en sorte que dans les prochaines années, on va assister à un phénomène où tu vas avoir un mélange entre la montre classique puis la montre intelligente pour beaucoup moins cher qu'une Apple Watch parce que les fabricants de montres classiques se sont dit il y a un marché définitivement exploité de ce côté-là. Donc, attendez-vous à avoir des designs beaucoup plus classiques mais avec des fonctions intelligentes. C'est ce que Thierry m'expliquait. Suite à ça, on est allé voir certains produits, disons... comment je pourrais dire ça? Questionnable. Papier de toilette intelligent? Oui, c'est ça. Oui, okay. ça analyse la forme et la consistance. Ça change le rouleau tout seul, tu sais. Oui, chose à même. Entre autres. Non, j'ai notamment vu un collier pour chien intelligent qui, soi-disant, apprivoise ton chien et lui apprend certaines commandes. J'ai comme pas trop voulu voir ça en action, surtout pas avec un pitbull, là. Mais ça a l'air que ça vraiment entraîne ton chien à ta place. Donc, il y a ça. On est tellement occupé aujourd'hui que... Ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, tu fais plus rien par toi-même. Sinon, les équipements de sport très, très, très populaires. On a notamment vu un ballon de soccer intelligent. Le ballon de soccer intelligent, en fait, te donne de la rétroaction par rapport à ta frappe, la vélocité, des trucs comme ça. Et peut-être dans une dizaine d'années, les ballons qui seront utilisés sur les terrains de soccer seront des ballons intelligents. Et sûr que c'était ça ou un BB-8? Non, je te confirme, c'était un ballon. Okay. Adidas. Okay. Bon. Non, c'était pas un BB-8. Non, j'aurais jamais kické un une BB-8. Une boule ronde. Quand même. Mais c'est ça. Donc, les ballons intelligents, il y a les stickers aussi qui peuvent se mettre dans les bâtons de hockey puis qui vont vraiment te donner du feedback par rapport à ta force de frappe, ton angle de tir. Donc, ça aussi, là, c'est vraiment en émergence. C'est très, très populaire auprès des sportifs. Il y a ça. Au niveau des téléviseurs, là, il y a le HDR qui s'en vient. Le OLED a vraiment pris... le LED puis le OLED a vraiment pris la place des ACL depuis quelques temps. Ouais, puis le plasma, c'est mort. Que... Ben, le plasma, c'est pas tout à fait mort. Ce qui m'expliquait, c'est... non, mais c'est sur le respirateur. Oui, c'est comme... Non. Un petit poup. Oui, c'est temps ça. En temps, là, c'est... Sinon, c'est pas mal flatline. Là, disons que, Madani, ça respire, puis tu fais le saut. Là. C'est ça. Mais, non, mais le plasma, en fait, c'est, tu sais, comme j'expliquais à Thierry, ça devenait très chaud. C'est pas aussi à vie, là, le plasma. C'était bon pour un chauffage de poing. Oui, c'est ça. Non, vraiment, là, le plasma, c'est voué probablement à l'extinction. La plus grosse TV que j'ai vue chez Best Buy, c'est une 65-70 pouces. Mais il m'expliquait que, pas en magasin, mais que quand tu veux, tu peux avoir une 100 pouces. Ce qui est... en tout cas, bref, tu te perds dans cet écran-là. Faut que tu passes dans la zone hypothécage. Ah oui, oui, situé dans le coin du magasin pour t'acheter. C'est cher, c'est vraiment cher. Ouais. J'ai demandé au niveau des projecteurs, ça a été populaire un certain temps. Ce que Thierry m'expliquait, c'est que c'est pas... ça pogne plus. C'est plus un gros vendeur, premièrement, parce qu'il faut que tu ailles la pièce pour avoir le projecteur. Il faut que tu ailles le mur blanc et tout. Vraiment, la tendance, c'est pas du tout vers les projecteurs, là, beaucoup moins qu'avant. Ouais, mais ça reste que moi, j'ai un projecteur, puis j'ai une télé de 90 pouces depuis 10 ans dans mon sous-sol, ce qui est pas achetable par le commun des mortels. C'est vrai, mais c'est loin d'être ce qui est mis de l'avant. Puis c'est, en tout cas, ça semble pas être ce que les gens recherchent en ce moment. C'est peut-être pas assez payant non plus. Ah, ça se peut. Peut-être plus payant de vendre la télé OLED à 90 pouces qu'il faut que tu réhypothèques ta maison que vendre un projecteur à 1500$ qui va te faire une image de 100 pouces. Ouais. Ça, c'est un bon point. T'sais? T'aurais dû être avec moi, c'était jour. Fait que là, finalement, tout ce que tu me dis, tout s'en vient intelligent dans tous les produits, tout s'en vient intelligent. Ouais, attends. Si je peux me permettre une vacherie, la seule chose pas intelligente qui reste dans certains Best Buy, c'est les vendeurs. Bon, on n'enverra pas le choix à Best Buy. Non, mais c'est parce que tu sais, quand certains offrent encore des routeurs sans fil à qui veut bien sans leur expliquer c'est quoi les... Tu sais, ou vendre des garanties prolongées que t'as pas de besoin, des choses comme ça, peut-être qu'il faudrait qu'ils s'adaptent aussi ce côté-là. Ouais, effectivement. Tu sais, ou vendre un service d'installation quand t'achètes un ordinateur à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, quand tu le mets à on, il s'installe tout seul. Mais je te dirais, en tout cas, bref, j'y reviendrai sur le Geek Swell, là, j'y reviendrai brièvement tantôt. Mais je peux te dire que c'est très, très en demande pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Ouais. T'entends le pitch de vente qui est drôle, mais bon, je vais m'arrêter là-dessus. Ouais, arrête. J'aime Best Buy, pareil, je vais acheter mon stock-là. C'est juste, des fois, j'entends des choses qui me font plisser les oreilles. Ah, mais bon. Aussi. Ouais. Pour avoir déjà travaillé là. Mais c'était payé chez Future Shop, parce qu'il était à commission, puis il fallait qu'il te vende n'importe quoi, puis il fallait que tu passes à la caisse pour acheter un petit bout de bouton de souris pour remplacer ton chose sur ton laptop qui était pété. Tu sais, la petite affaire à 75 cents, il fallait que tu passes à la caisse pour qu'il te fasse une facture, puis ça tombe dans ses ventes de la journée. Mais bon... Oui, je me rappelle de cette époque-là. Au niveau du cinéma maison, ce qui est à venir, c'est ce qu'on appelle le Atmos, c'est-à-dire atmosphère. Oui, c'est ça. Le 7. Parce que, c'est-tu 7? Oui, 7. Oui, mais c'est 7, c'est plus que 7, parce que là, t'as des haut-parleurs au-dessus de la tête, puis enfin la même. Oui, c'est comme... dans le plafond. Ouais, ça commence à être intense, là. Ouais, puis c'est ça, c'est que dans le fond, là, les gens veulent l'expérience, là, fait que vraiment au niveau des sens, puis fait que là, tu vas avoir deux speakers en avant, deux speakers en arrière, deux speakers dans le plafond, là, c'est ça, là, ça, tu vas vraiment aller chercher du son partout, fait que on est vraiment dans le son ambiant, le son environnant, c'est ce qui est à venir. Et d'ailleurs, Best Buy, notamment au Carrefour Laval, parce que le magasin est plus gros, vont développer une espèce de petite pièce là, Atmos, donc pour donner une sensation aux gens, l'impression de se retrouver finalement dans une atmosphère Atmos, qu'est-ce que ça va donner. Mon père me dit, ben comment qu'on fait pour mettre des speakers dans le plafond? Je dis, ben t'ouvres ton plafond. Bon, ça, c'est peut-être un peu moins intéressant, là, mais fait que c'est ça. La manière d'y aller, c'est que tu bâtis ta salle de cinéma en même temps que tu fais construire ta maison. C'est la meilleure manière d'y aller, c'est ça. Oui, absolument. Mais quand tu fermes ton plafond, t'oublies pas de brancher les fils avant parce que c'est chiant. Oui. Parce qu'il faut que tu défasses pour refaire. Oui. C'est... Puis savoir où est-ce que ça va aller, c'est bien aussi. Mais on a bien vite, d'ici 20 ans, là, on va pouvoir isoler nos murs avec des haut-parleurs tellement qu'ils vont en avoir partout. Ça va être... Ouais, c'est fou. En même temps, quand il y a un défaut, c'est pas super pratique, là. Tu sais, il est dans ton plafond, puis tu fais, il me semble qu'il marche pas. Bon, mais je vais ouvrir le plafond, je vais aller voir. Non, mais il y a un trou, tu sais, je veux dire, un coup que le haut-parleur est installé, c'est comme probablement comme une plaque dans ton plafond. Tu peux l'enlever, puis enlever le haut-parleur, puis jouer avec. Tu sais, je veux dire, il est pas inséré dans le Jiproc, là, parce qu'à un moment donné... Ah non, là, t'entends plus rien. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau entendre un avion passer au-dessus de ta tête, là, mais c'est tellement... Le son est tellement bloqué par le Jiproc qui est en avant, ça serait comme à rien, là. Tu sais, faut qu'il y ait un grillage ou quelque chose, hein, c'est ça. C'est le monde dans, c'est le monde sur, qui sont sur le plancher d'en haut qui entendent plus que toi un coup parti. Non, c'est un, il y a un trou. Je vais terminer avec deux affaires. J'ai aimé ma visite dans les dispositifs de sécurité parce que bon, ça me sert aussi au niveau de ma job. Je savais pas qu'il y avait des locks intelligents maintenant. Donc ça existe, les serrures intelligentes, et dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu as une application sur ton téléphone et par Bluetooth, dans le fond, ta serrure sait que c'est toi ou ton enfant, ou peu importe là, quand c'est programmé, et ça s'ouvre automatique. C'est toi ou c'est le voleur qui aurait trouvé ton iPhone? Dans ben, c'est ça que je disais à la série. J'ai dit, c'est parce que là, si tu te fais voler ton stock, t'es un peu dans chnout, là, tu sais. Ouais. Tu te fais voler ton portefeuille, il sait ton adresse, tu fais voler ton téléphone, il sait, là, fait que là, il peut rentrer comme il veut. C'est sûr que c'est un élément à considérer. Ouais, mettez un mot de passe sur vos téléphones. Ouais. Puis, bon, il y a tous les appareils aussi de surveillance, caméra, lumière, donc des trucs comme ça. La domotique. Oui, la domotique, exactement. Puis tout ce qui sert à la surveillance de bébé, donc que tu peux filmer, tu peux entendre aussi. On est loin des talkie-walkie Fisher-Price blanc et bleu, comme dans le temps, là, avec un petit bout d'orange. Ouais. Fait qu'on est très, très loin de ça. Et j'ai posé aussi une question à Thierry au niveau des magasins. Je lui ai demandé, est-ce que les magasins sont voués à disparaître ou puis éventuellement peut-être à devenir juste des comptoirs de ramassage? Et ce qu'il m'a dit, c'est non. Best Buy est convaincu que non. C'est sûr que oui, ils ont fermé Future Shop parce qu'à un moment donné, ça n'est plus rentable d'avoir les magasins à proximité. Ben, ça, puis ils se compétitionnaient un l'autre. Oui, oui, ils se compétitionnaient. T'avais un spécial chez Future Shop, tu ramassais la circulaire, tu t'en allais chez Best Buy, tu disais, gars, les autres le font à 150$ au lieu de 250$. Puis là, ils te donnaient le rabais, plus la différence du rabais, c'est comme, ben là. Oui, oui, ça se mangeait, là, vraiment. Puis c'est sûr que c'est très, très différent aujourd'hui que ce que c'était en 2001 quand Best Buy a acheté Future Shop. Tu sais, le domaine du web était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ce qui m'expliquait, c'est que non, les magasins sont vraiment pas voués à l'extinction. C'est sûr qu'ils ont moins besoin d'autant d'air, d'autant de surface que dans le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens magasinent beaucoup, beaucoup plus en ligne. Donc, il a fallu qu'ils s'adaptent. Notamment, par exemple, tu commandes quelque chose en ligne, ben s'il y a un Best Buy, tu sais, mettons, tu restes à Ville-la-Salle comme moi, puis c'est juste le Best Buy au centre-ville qui l'a, mais tu veux le ramasser à Ville-la-Salle, ben là, à travers le magasinage en ligne, ils vont pouvoir se livrer entre Best Buy. Ce qu'il me disait, c'est les gens aussi vont toujours vouloir avoir l'espèce d'expérience de magasinage où il y a certains produits que si tu le vois pas en tant que tel en magasin, c'est un petit peu difficile de te faire une bonne tête. Tu sais, par exemple, les téléviseurs, c'est ouais. Sûr que tu peux voir en ligne, mais tu sais, ça demeure quelque chose que c'est mieux de voir en magasin. Ouais, mais tu sais, en magasin, c'est trompeur aussi parce que souvent, ils sont boostés au possible pour te donner l'image la plus colorée puis pétante possible. Puis c'est pas ça que tu vas mettre chez vous. Fait. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, vaut mieux ça que de le voir en ligne et de dire ah, la photo est belle. Hey, un noir et blanc finalement à ma TV HD. Ouais. Hey, on m'avait pas dit qu'il y avait que ça renfonçait en arrière. Ah, c'est cathodique. Ah. Fait que mais tout ça pour dire que bon, pour eux autres, non, les magasins sont pas voués à l'extinction, mais il faut vraiment qu'ils s'adaptent par rapport à l'importance du marché en ligne. Mais ça devrait pas, en tout cas dans les prochaines années, devenir uniquement des surfaces de ramassage. On devrait conserver les en tout cas au moins les Best Buy comme on les connaît. Mais c'est une compagnie qui survivrait très bien aujourd'hui, ça existerait encore. Distribution au consommateur. Oui, tout à fait. Ça serait un modèle parfait. Oui, seulement. Qui, malheureusement, n'existe plus depuis, quoi, quasiment 30 ans. Hein, tu avais tout par catalogue, tu commandais, tu le ramassais en magasin, il fallait que tu appelles, tu commandais, tu le ramassais en magasin. Ça serait merveilleux pour le magasinage en ligne. Ouais, puis ça appartenait à Provigo dans le temps, je me rappelle bien. Ça se peut. Fait que, mais ça marchait bien, je me rappelle, j'ai eu une couple de cadeaux comme ça. Ah ouais. Mais ouais, ça marchait bien, distribution consommateur. Imagine-tu aujourd'hui avec le web et tout, tu te commandes en ligne. Ça serait merveilleux. Oui, ça ferait mal, je pense, au magasin de détail, magasin grande surface. Ouais. Mais, fait que voilà, c'était un peu ça. On a regardé d'autres choses aussi, mais des trucs techno plus connus, là. Tu sais, tablettes, laptops, des trucs comme ça. Fait que ça, je vous en parlerai pas nécessairement. Mais c'est ce qui a fait le tour de ma visite. J'ai beaucoup apprécié des trucs techno que je ne connaissais pas. On aura peut-être dans certains shows justement des représentants qui viendront nous jaser de certaines tendances, certains produits en particulier. As-tu vu des choses niveau appareil photo? Parce que je sais qu'on a quand même une bonne section appareil photo, là. Je fais la photo, mais je sais pas si. On s'est pas trop attardé, non? Honnêtement, là-dessus, malheureusement. La technologie bouge pas beaucoup là-dedans. C'est comme un peu comme les laptops puis les tablettes, tu sais à peu près ce qui s'en vient. Puis, tu sais, à part, c'est un appareil photo, à part mettre, avoir des meilleurs capteurs, puis rajouter du Wi-Fi ou rajouter un GPS pour localiser où ce que t'es quand tu prends tes photos, t'es pas mal limité. Oui, mais il y avait quand même des petits, tu sais, moi j'ai des petits gadgets, genre une carte SD, micro SD, tu sais, Wi-Fi pour l'appareil photo qui communique directement avec ton iPad, tu sais, des trucs comme ça, c'est quand même intéressant, là, des fois, là, mais. Non, ouais, non, c'est ça, des petites choses comme ça, mais tu sais, ça reste intercommunication entre des bidules. Ouais. Tu sais, mais la technologie d'appareil photo, ça bouge plus énormément. Là, je te dirais que de ce que j'ai vu, moi, personnellement, c'est sûr que le domaine des téléviseurs, bon, demeure assez important, mais beaucoup le son. Thierry avait raison, j'ai vu beaucoup de gens au niveau du département du son. Donc, écouteurs, haut-parleurs, tu sais, des trucs de même, je sais pas. On dirait que les gens sont plus tant que ça dans le visuel. Maintenant, on veut le visuel et l'auditif. Ouais. Donc, les gens commencent à investir beaucoup plus là-dedans. Fait que non, appareil photo, on ne s'est pas vraiment attardé. Payer 400$ pour une paire d'écouteurs pour écouter des MP3 hyper compressés. Ouais, mais... Mais c'est bon. Par Dr. Dre. Wait. Ah, fait que voilà. C'est ce qui fait le tour de nos chroniques pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Merci, messieurs. Jonathan, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? C'est AstroBoy3000 sur Twitter. Ou sinon, Jonathan Turcot sur Facebook. Monsieur Luc. Sur Twitter, Ascalazormo, je gère aussi le compte de Saroul Radio, qui est l'émission que je fais sur l'automobile. Vous pouvez aussi m'écouter avec Marc Bouchard sur l'émission qui s'appelle Saroul Radio. Et puis, vous pouvez me lire sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Puis, c'est pas mal ça. Des fois, vous pouvez m'essayer sur Facebook aussi. Des fois, j'ajoute des gens. Des fois, non. Ça dépend de mon humeur journalière. Mais c'est ça. Et toi, Dan? Je t'ai pogné dans une bonne journée quand tu m'as ajouté. Ben, on avait à travailler ensemble, des choses comme ça. J'avais comme pas le choix, ben. Il me disait, il est fin. Ouais, mais, tu sais, il me fait peur, il est grand. Oui. Ben, en tout cas, bref. Je suis italien. J'ai peur à mes rotules. Puis non. JB lui a dit que je donnais des émotions au niveau intestinal quand je parlais. Mais bref. Ouais, JB a des émotions pour à peu près n'importe quoi. C'est vrai. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter à DracoADG. Mes articles paraissent sur affairesdegas.com, principalement section techno, jeux vidéo. Vous pouvez aussi m'essayer sur Facebook avec mon vrai nom que je n'épellerai pas parce que ça me tente pas. Fait que, c'est principalement les façons de me rejoindre et de me retrouver sur le web. Une prière, non? Ça marche plus, ça? Non. J'ai redescendu sur Terre depuis l'automne dernier. Non, c'est bon. Je ne suis qu'un homme, finalement. Ah, t'as réalisé, finalement. On essayait depuis longtemps de te le faire reconnaître, mais bon, c'était difficile. Et comme t'es plus grand que nous autres, ça va être une mauvaise journée, finalement. Là. Je vais avoir toute une claque dans la face de réalité. Bon, fait que... réalité augmentée. En effet. Fait que c'est ce qui met fin au show de cette semaine. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Merci, messieurs. Merci à toi, animateur. Ah, on fait notre possible et on se retrouve avec vous, chers auditeurs, dans une autre réalité augmentée. Salut. Bye. Bye.